1. C'est Xavier. Oui, c'est Xavier Martin. 2. C'est joli. C'est vraiment joli. 3. Il est amoureux. Il est très amoureux.